En ouvrant cette porte, je crois que j'ai vu ma fin dans ce milieu atroce. Pour se faire entendre, faut se battre en évitant les coups de crosse. Ce que je veux dire, c'est secret défense. T'as 4 minutes, si tu parles, t'es wanted comme une balance à la défense. J'ai pas été élevé par les chansons, mais par les cris et les pleurs. Dur comme Mark Landers, net comme la cam, pas comme les dealers. Mes frères, Bruno et Dinou, fusil à des serbacanes. Petit la tristesse, y'en a pas, comme Cabrera dans sa cabane. Bienvenue dans le monde réel. Number one, fou comme Woody Allen. Méfie-toi de chacun de nous comme le peuple d'Halloween. Je me bats contre un esprit, un être cher, à qui je crains de faire du mal, comme ce musulman qui craint les flammes de l'enfer. Le paradis, je t'en parle, j'espère que t'as la foi, en Dieu et en ce que tu crois à la fois, mais pas celle du père Foura à la fois. Je donne pas de morale, mais du bon sens barbare. Respect au miséricordieux, Allahu Akbar. J'aime pas jouer les saints comme si libertin et sa concubine. Nourri au sein, je me dis que mes branches poussent grâce à la madre racine. En 20 ans, j'ai subi trop de pression, pitié. Mais j'ai prié pour que ma fin soit comme papin sans jubilé. L'an 2000, un échec, mais qu'est-ce qui se passe? Les mômes de 15 ans veulent tous laisser leur trace. Les petits font les bandits, volent les manches de ceux qui m'ont dit. Les petites Mary Poppins donnent leur cul, putain, c'est l'incendie. J'aime pas agresser, juste rendre le verdict. Psychiatre, c'est le type impact, faut que je te prévienne, faut que je te le dicte. Vincenzo, mec des blocs, pisse aux anges noirs que je représente comme Biggie Small. À travers leurs cauchemars, mes frères survivent et rêvent de vivre pendant que eux vivent leurs rêves. Écoute sa plaidoirie. À travers leurs cauchemars, mes frères survivent et rêvent de vivre pendant que eux vivent leurs rêves. Écoute sa plaidoirie. Bienvenue dans le monde réel. Est-il possible que je rêve? Êtes-vous un rêve? Je ne suis pas un rêve. J'ai le rêve qui, comme Picasso, détient dans cette œuvre. Trois de couleurs, manœuvre, ma vie en noir, en gros le désir d'une pieuvre. Comme Edouard, j'aimerais une vie en rose à Toulouse, une vie en vital où les épines camisoles nous rendent plus fous qu'Edouard à Toulouse. On est juste des confrères esclaves, épéda dans le confort, comme l'infirme d'un usual d'enfer, ça je le confirme. Gros naze. Si pour m'avoir fallait me menoter, t'es culotté, même pour la peine tu goûteras la chambre à gaz. Astiquez vos plus beaux flingues en attendant le jour. Frère, ça va crier, je te préviens avant, j'attends bang bang. Je suis le serial killer, donc il faudrait que tu te cales avant que tu coules, car inconsciemment il y aura trop de killers. Le même bambino del ghetto comme Camacho. J'ai le poignard ensemble pour ces Tupac. Babanculo. Merde, c'est droit qui mène mes frères au cimetière. Merde. Car ils n'ont pas su traduire les larmes de leur mère. Je brise les chaînes du silence pour ces commères qui m'ont saoulé. Car dans les ailes du temps, la tristesse finit par s'envoler. Je viens de là où les pommes mûres sans pépé ont du mal à être cueillies. Atteint par le machin de 16 ans, malgré nous qui crée l'ennui. Comme Armstrong, j'aurais aimé un pied sur la lune pour avoir une vue sur les Dark Vador, les ennemis qui nous attaquent dans la brume. Psychiatre, l'épidémie, on va faire crier les pompes. C'est plus Paris qui doit être sous quarantaine, mais la France sous les bombes. J'en place une pour mes hommes des mains, Mehdi Hatem. Une pour Sia Style, et aussi pour les gens que j'aime. Rien n'est sûr comme Air British, je dois me méfier. Car pour mon envol, des MC Turbulence veulent me voir échouer. À travers leurs cauchemars, mes frères survivent et rêvent de vivre pendant que eux vivent leurs rêves. Écoute sa plaidoirie. Bienvenue dans le monde réel. À travers leurs cauchemars, mes frères survivent et rêvent de vivre pendant que eux vivent leurs rêves. Écoute sa plaidoirie. Bienvenue dans le monde réel. À travers leurs cauchemars, mes frères survivent et rêvent de vivre pendant que eux vivent leurs rêves. Écoute sa plaidoirie. Bienvenue dans le monde réel. À travers leurs cauchemars, mes frères survivent et rêvent de vivre pendant que eux. Écoute sa plaidoirie. Bienvenue dans le monde réel. Si les frères s'ennuient, si les frères s'allient, c'est qu'il y a en nous du sang lié. Peace au nouveau-né, Yanis, Naïma, Kenza, Maeva. Peace.